Je remercie beaucoup Michel pour cette invitation qui nous donne l'occasion un petit peu de présenter un certain nombre de réflexions à partir de travaux assez empiriques qu'on mène en ce moment et depuis maintenant 20 ans dans une équipe qui était dédiée au travail, à l'analyse des communautés scientifiques dans les pays en voie de développement. Qui a démarré en 84 à l'Orstom et qui est en train de s'effilocher gentiment comme l'ensemble de l'IRD d'ailleurs et cette équipe aussi. Contrairement à mon habitude, je ne vais pas commencer par définir ce que c'est qu'une communauté scientifique, mais je vais essayer de donner quelques éléments de ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Alors d'une part, on est en train d'observer un grand changement, je pense, par rapport aux années 80, qui est la conscience qu'a tout le monde d'appartenir à un grand système mondial de la recherche. Et ça, c'est une conscience assez nouvelle. C'est pas parce qu'il n'existait pas avant, c'est parce que les modes de communication, de publication font que les gens qui travaillent dans la recherche se sentent plus directement concernés par la communication avec leurs collègues dans tous les coins du monde. Cette géographie de la recherche est une géographie très inégalitaire, très hiérarchisée, avec des centres très forts qui produisent beaucoup de personnel, qui forment beaucoup de gens et qui aussi imposent un certain nombre de thématiques de recherche. Cette hiérarchie est aussi donc non seulement une hiérarchie entre les pays, c'est aussi une hiérarchie entre les disciplines, souvent. C'est donc un système que nous avons qualifié Philippe Lozégo et moi-même de système hégémonique. Et on a essayé de s'intéresser donc à un certain nombre de pays dont on ne dira pas qu'ils sont en voie de développement parce qu'ils ne le sont pas toujours. Mais on parlera plutôt de pays qui sont non hégémoniques dans le sens où, d'une part, ils ont peu d'influence sur l'agenda scientifique au niveau mondial. Et d'autre part, c'est-à-dire que les gens qui travaillent dans ces pays s'accordent plutôt à travailler sur des thématiques qui sont définies ailleurs. Et d'autre part, c'est un système qui... Ce sont des pays non hégémoniques dans le sens où ils n'ont pas d'instruments financiers forts qui agissent au niveau mondial. Ils ont des instruments financiers généralement locaux, localisés, promus généralement par des conseils nationaux de la recherche, et qui se limite à une sorte de consolidation des équipes nationales, mais pas à lancer des nouvelles thématiques ou assez rarement. Ce système mondial de la recherche a une sorte de attribue des rôles, et ces rôles sont toujours individuels. On ne parle jamais d'équipe, on ne parle jamais de collectif, on ne parle jamais de laboratoire, on parle de gens, d'individus, d'auteurs. Or, par exemple, si je me réfère aux travaux de David Ponty, là, dans le coin, l'auteur est toujours un collectif, et il représente toujours un collectif. Et dans les analyses qu'on voit dans les pages de Scientometrics ou les analyses basées sur la bibliométrie de ce système mondial, c'est toujours des auteurs individuels dont on parle. Et donc, en parlant de ce système mondial, il y a une sorte d'effacement complètement de la notion d'organisation collective locale de la communauté scientifique. Pourtant, c'est une question qui est double. D'abord, elle est double parce que pour les chercheurs sur place, il est vital d'avoir un milieu dans lequel échanger. Et d'autre part, c'est vital d'avoir des conditions satisfaisantes pour réaliser de la recherche. Les travaux, par exemple, qu'a mené Roland Vast en Afrique à la fin des années 90, début des années 2000, montrait bien que finalement les chercheurs africains, au moment où les institutions académiques ont cessé de payer leurs salaires, sont devenus une sorte de prototype du mode 2 de production des savoirs, comme disait Gibbons, c'est-à-dire du nouveau mode de production des savoirs, d'un savoir très appliqué, vendable, commercialisable, d'un savoir de consultant plus que de chercheur. Et finalement, c'était plutôt en Afrique qu'on trouvait le mode 2 plutôt qu'en Europe ou aux États-Unis. Et ce n'est pas un paradoxe qui vient du hasard, c'est un paradoxe qui vient en fait de ce modèle généralisé qui est véhiculé par plusieurs institutions. D'une part, les agences de financement, dont l'Union européenne, mais pas seulement. La NSF, le NIH, par exemple, au Moyen-Orient, a créé entièrement les conditions pour réaliser tous les travaux sur la santé publique qui sont finalement complètement inféodés aux thématiques définies à Washington. Il y a certaines agences qui arrivent à définir tellement bien les thèmes qu'elle capte la quasi-totalité du personnel de recherche des grandes universités. Par exemple, au Liban, l'université libanaise, plus de la moitié des professeurs travaillent comme consultants pour le ESCOA ou pour les Nations Unies, UNDP ou l'UNEP, pour des organismes des Nations Unies. Et c'est des travaux qui retombent jamais dans la recherche. C'est des travaux qui sont complètement individuels, financés individuellement, assez bien d'ailleurs. Et on se trouve dans une sorte de mécanique dans laquelle l'appel de la commercialisation du savoir, du besoin de connaissance des institutions et des agences internationales est en train, en fait, de miner complètement la création d'équipes locales dans les universités et dans les centres de recherche publics de plusieurs pays non hégémoniques. Ce modèle des agences, il a une sorte de mécanisme fort à qui est bien sûr le financement, mais qui est aussi cette idée que la recherche, c'est finalement des gens brillants. En fait, on revient à une sorte de modèle pré-19e siècle du génie du chercheur, au lieu d'avoir ce qu'on observe, nous, quotidiennement, ici, dans le triangle, dans ce bâtiment, dans le triangle de la connaissance à Paris, de collectifs dans lesquels les gens se nourrissent d'échanges et participent à des échanges académiques. Il faut voir aussi que dans la plupart des pays dont je parle ici, que ce soit en Afrique, le Liban, la Tunisie, le Maroc, pour parler de pays qui ont restructuré très fortement leurs appareils de recherche, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, qui ont très fortement restructuré leur appareil de recherche dans les dernières 5 années, parce que c'est très récent. Il y a le problème de la reconnaissance de la fonction recherche. Je travaille au Liban. Pour plusieurs de mes collègues qui sont en ce moment au Liban, le fait de se soumettre à l'évaluation quantitative, de produire 6 papiers en 6 ans, c'est la norme pour être promu d'un rang de professeur associate, assistant associate ou associate à full professor. C'est une norme qu'ils trouvent plutôt bonne. Le fait qu'il y ait des outils d'évaluation quantitative forts qui forcent les gens à publier dans des revues internationales de langue anglaise, publier internationalement, c'est plutôt bien. Ça. Même des gens qui sont des dissidents, par exemple dans les relations internationales ou les sciences politiques, qui sont des chercheurs plutôt individuels, m'ont dit dans les dernières interviews que je faisais que c'est plutôt bien, tu vois, cette pression, parce que ça me permet d'avoir... une réflexion plus exigeante. Au Mexique, la création des cuerpos académicos qui a eu lieu il y a 5 ans, 6 ans, les chercheurs qui ont été responsables de la création de ces corps académiques au sein des universités, dont l'essentiel du travail consiste à structurer des grands labos, des grandes équipes, et à reconnaître, à différencier ceux qui, dans l'université, sont uniquement des enseignants de ceux qui sont des chercheurs, des enseignants-chercheurs. C'est beaucoup appuyé sur un mécanisme quantitatif très dur qui a été d'abord mis en place au moment de la création du système national de recherche, Sistema Nacional de Investigadores. Le SNI a été créé pour, en fait, sauver les salaires des gens, pas du tout pour restructurer la recherche. C'était au moment de la catastrophe financière des années 80 du Mexique. Il s'agissait de fournir un complément de salaire aux chercheurs. Et ce complément de salaire est comptabilisé sur le nombre de papiers que vous publiez. Un papier, ça vaut 4 000 points. Dans une telle revue, ça vaut 8 000 points. Dans telle revue, ça vaut 12 000 points. Et en accumulant le nombre de points, ça se convertit en dollars et donc en sursalaire. Ce système s'est imposé aussi dans les universités qui ont créé leur propre système de sursalaire, leur propre système de comptabilisation des sursalaires. Et finalement, cet exemple est intéressant parce que cette notation très très précise de la fonction recherche en fonction du nombre de papiers publiés, d'articles publiés, de livres publiés, de communications faites, etc., a été voulue par les chercheurs. Il n'a pas du tout été rejeté. Il y a eu un effet de consolidation de la recherche. Actuellement, dans le système national de recherche au Mexique, il y a environ 15 000 personnes. Il y en a 15 561 exactement. On considère qu'il y a entre 25 000 et 30 000, 35 000 enseignants-chercheurs dans les universités à temps plein, dans les universités mexicaines. Donc il y a environ un tiers de la environ 40%, disons, de la population qui est représentée dans le système national de recherche. Et donc, cette différenciation a été voulue par les chercheurs. Un deuxième point important, c'est que les chercheurs dans les pays non hégémoniques sont essentiellement des universitaires. Ils sont pas tellement, enfin, il y a assez peu finalement d'instituts publics de recherche. Ils passent en moyenne 40% de leur temps maximum à faire de la recherche. On a essayé de faire des statistiques un peu précises sur ça. Et il y a moins de 13% de gens on a fait une grosse enquête en Amérique latine. On avait moins de 13% de gens qui déclaraient plus de 60% de leur temps en recherche. Donc l'essentiel du travail, c'est enseigner. C'est pas chercher. L'essentiel du travail, c'est faire des tas d'autres choses qui sont liées d'une façon ou d'une autre au travail intellectuel, mais qui sont quand même essentiellement autre chose que de la recherche. Donc tous les mécanismes qui permettent de donner de la reconnaissance à la fonction recherche sont plutôt accueillis favorablement par les chercheurs dans les universités de la plupart des pays que j'ai pu visiter ou dont je parle maintenant. Deuxième problème, c'est la liaison entre la recherche et les universités, de la structuration de l'appareil de recherche, l'institutionnalisation de la recherche et le problème de la gestion des universités. Et alors ça, c'est un problème essentiel, par exemple, en France, puisque ce séminaire en est un petit peu la traduction. Mais elle prend un sens très différent, je pense, dans des pays où, justement, la recherche se bat pour avoir son propre espace. Le cas exemplaire et typique, à mon avis, c'est quand même la Tunisie. Comme on parle beaucoup de la Tunisie, c'est parfait. La Tunisie a mis en place, grâce à 2-3 personnes bien intentionnées, un système de reconnaissance, de labellisation des labos, en donnant un budget stable pendant 4 ans à une équipe ou un laboratoire. Et il y a eu une multiplication par 4 de la production en moins de 5 ans de la Tunisie. Actuellement, la Tunisie est le pays du Maghreb le plus gros producteur de sciences, toutes disciplines confondues. Ce n'est pas le cas en sciences humaines et sociales. Mais dans les autres domaines, qui sont les domaines de spécialité de la Tunisie, c'est-à-dire essentiellement les sciences biomédicales, cette stabilisation des budgets, ce contrat passé entre le ministère qui a dit qu'il donnerait des budgets, qu'il assurait les budgets pendant des périodes de 4 ans, avec une obligation de rapport intermédiaire de 2 ans, sur une période de 2 ans, a permis de stabiliser environ plus de 200, je ne me souviens plus le chiffre exact, je crois que c'est 230, labos et équipes de recherche. Et là aussi, ça a été voulu par les gens dans les universités. Une autre grande différence entre ce qui se passe dans les pays hégémoniques et les pays non hégémoniques me semble être le financement. Comme je vous le disais, c'est même définitoire, d'après moi, de la notion même d'hégémonie. Les fonds publics nationaux sont ceux qui, aussi bien en Europe que dans les pays d'Amérique latine ou je sais pas, du Moyen-Orient ou du Maghreb, c'est eux qui assurent plus de 40% des budgets, des labos. Les institutions financent environ un tiers, en Amérique latine, environ un tiers du budget de plus. En Europe, ce chiffre est devenu très faible, il tourne autour de 20%. Le financement privé est très important en Europe, il est pratiquement absent dans tous ces pays. Et la coopération internationale, et je pense que ça c'est la partie la plus importante, en Europe peut représenter jusqu'à 20% des labos qui sont engagés dans des programmes de coopération et moins de 10%, entre 10 et 12% pour les labos qui se trouvent en Amérique latine par exemple et qui sont engagés dans des procédures de collaboration internationale. En tous ces chiffres, on n'a pas le temps de vous présenter un peu le cadre de toute cette enquête, mais c'est une enquête qu'on mène sur les collaborations scientifiques internationales, dont on parle beaucoup dans les revues, dans les politiques et tout ça, mais finalement, on étudie assez peu concrètement, matériellement. Et on a essayé de lancer une enquête un peu mondiale. Donc, on a commencé par l'Amérique latine avec quelques 4000 questionnaires qui ont été répondus. Et on est maintenant sur les pays méditerranéens. On a encore là quelques 4000 questionnaires. Dans 6 mois, on devrait avoir des publications sur ce sujet. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'essentiel des travaux qui sont menés sur les collaborations scientifiques et justement sur tout ce travail d'interaction qu'ont les labos dans les pays non hégémoniques avec les pays centraux, avec des pays puissants, elle est essentiellement étudiée par la bibliométrie. Alors, la bibliométrie renforce encore cette idéologie du chercheur individuel, des réseaux de collaboration individuels, des gens qui sont finalement co-auteurs de papier parce qu'ils sont sur les mêmes thématiques, donc finalement qui ont une sorte d'écologie de la collaboration, un système autorégulé de la collaboration, un système autorégulé puis mondial en plus. Or, concrètement, dans les labos, en sciences médicales, en physique, en chimie, en différentes disciplines, en biologie, bien sûr, en biomédecine, les choses ne se passent pas pareil parce que, d'une part, il y a besoin de créer les conditions de la recherche. Alors, c'est assez étrange parce que c'était, si vous référez aux travaux des Nations Unies sur le développement de la science dans les pays en voie de développement au début des années 80, la question, c'était le « capacity building ». Et le terme a ripé, il est passé sur les ONG. On a parlé de capacity building au sujet des ONG, au lieu de parler des organismes publics de recherche. Le glissement de sens, en fait, c'est aussi un glissement d'intérêt, à tel point que Caroline Wagner, par exemple, qui est vraiment une spécialiste du sujet, maintenant dit que, un petit pays, il n'a rien d'autre à faire qu'à développer une stratégie de branchement sur le grand réseau mondial. Ça serait la seule chose. Créer des structures nationales, c'est nonsense, c'est stupide, ça ne sert à rien, c'est de l'argent qui est coulé dans du béton, et ça ne produit rien. Et toute la notion d'institutionnalisation de la recherche, la création de statut stable pour les chercheurs, la création du financement national, de la stabilisation du financement national, la création d'espaces de communication localisés, parce que c'est ça une communauté scientifique, d'espaces de communication localisés dans lesquels les gens peuvent se retrouver à des distances géographiques proches, entre la banlieue et le centre d'une ville, tout ça passe à l'as au nom de la grande science mondiale. Je caricature parce qu'en 15 minutes, on ne peut pas faire autre chose que caricaturer, mais c'est un petit peu ça quand même. Tout ça est aussi très, très contradictoire, toute cette idéologie du grand réseau mondial, etc., parce que je pense que c'est plutôt une idéologie qu'une réalité. On peut abonder avec le cas de la Colombie après. Toute cette idéologie repose sur la négation de quelque chose de très important qui se passe en ce moment, qui est la reprise en main de la recherche par les États. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un modèle concrètement individualiste où les gens sont individuels. Tout ce dont je vous ai parlé, le SNI, la labellisation des laboratoires, la volonté, y compris exprimée par des chercheurs, d'avoir des outils d'évaluation transparents, acceptés par tous, quantitatifs, tout le contraire de ce que nous on veut. C'est en fait une reprise en main par l'État des institutions de recherche. Et elle n'est pas du tout due non plus à une sorte de volonté d'aller contre le grand système de la recherche mondiale, mais elle est due au fait que le fameux capacity building dont on parlait dans les années 80, c'est maintenant qu'il a lieu. C'est maintenant qu'il a lieu parce qu'il a fallu du temps pour accumuler des moyens, pour accumuler les bâtiments, pour accumuler les ressources nécessaires pour créer les conditions de cette recherche. Et non pas simplement de reposer sur la circulation des doctorants, ou bien les séjours à l'étranger, ou bien la participation à des conférences internationales, toutes choses qui sont tout à fait essentielles pour les chercheurs, mais qui ne forment pas des chercheurs stables, donc des chercheurs producteurs, dans leurs propres institutions de recherche. Pour avoir des chercheurs producteurs, je sais pas, je prends par exemple l'exemple de l'American University of Beirut, là en ce moment où je travaille. C'est une université qui a été créée en 1866, je crois, qui est une très forte culture maison. C'est pas beaucoup de monde, hein, c'est 800 profs au total, mais qui publie beaucoup et qui est responsable des trois quarts de la production du Liban, qui a un hôpital médical, l'un des meilleurs du monde, qui a une faculté de sciences médicales qui est aussi reconnue comme étant une des meilleures du monde. En fait, toute cette stabilisation de la recherche au sein de l'université, elle s'est faite parce qu'il y a eu un énorme effort pour embaucher les gens, les maintenir, leur donner des bons salaires, leur donner des bonnes conditions de travail. Il y a actuellement à l'EUB une bibliothèque dont vous rêverez si vous étiez un simple étudiant de doctorat français, parce que je ne crois pas que je puisse... j'ai jamais eu ça. J'ai besoin d'un papier, je clique et j'ai le papier sur mon ordinateur dans les 10 minutes qui suivent. Des conditions de travail qui sont absolument exceptionnelles. Ce n'était pas énormément d'argent, et ce n'est pas ça qui fait de l'AUB une bonne université, mais ces conditions-là font que les gens restent. C'est-à-dire que s'ils vont, ils circulent, ils se forment à l'étranger, ils reviennent et ils restent. Et c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est de les fixer. C'est pour ça que je terminerai en disant que tout ce discours qu'on entend actuellement sur « ben non, il suffit de se brancher sur les réseaux mondiaux, ben non, il suffit d'avoir la circulation des savoirs, qui est un cache-sexe pour parler du brain drain », c'est en fait que la recherche, elle ne se fait pas par une légitimation uniquement par ce qui se passe à l'étranger, mais elle se passe aussi par ce niveau institutionnel, cette consolidation du niveau institutionnel. Voilà, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais en quelques minutes que tu m'as demandé, voilà.